Ce mardi, dans la dernière édition du Mardi d'Assemblage Rocky, comme tous les mardis et pour le dernier mardi de la session, Émilie Gauthier vient nous parler de plein air. Et mardi est synonyme de nouveauté, donc Kiwan fait le tour des nouveautés musicales du mardi. Assemblage Rocky, c'est à 15h, là. Je sais pas quel jour, mais 15h.